Le mot pour possible est möglich. Möglich. Möglich, ça s'écrit M-O umlaut G-L-I-C-H. Möglich. On retrouve là encore le son de I. À vous. Möglich. Möglich. Möglich. Möglich. Möglich. À vous d'essayer maintenant. Möglich. Möglich. Bien. Donc, es ist möglich veut dire cela est possible, c'est possible. Es ist möglich. Es ist möglich. Möglich. Et comment diriez-vous ce n'est pas possible? Es ist möglich nicht. Ça, ce serait c'est possible non. Le mot pour possible, comme dans la phrase française, se trouve à la fin de la phrase. Es ist nicht möglich. Möglich. Es ist nicht möglich. Et pour dire ce n'est pas possible ainsi, ainsi ou de cette manière se dit so. So. Ainsi, so. Comme un ciseau. So, ça s'écrit S-O, mais ça se prononce so, parce que le S qui précède une voyelle au début d'un mot se prononce Z, comme dans Zi ou Sein. Donc, so. Donc, ce n'est pas possible ainsi ou de cette manière se dit Es ist ainsi. Es ist so. Es ist so. Ce n'est pas possible ainsi. Mot à mot en allemand, la phrase devient « c'est ainsi pas possible ». Es ist so. Es ist so nicht möglich. Möglich. Möglich. Es ist so nicht möglich. Möglich. Möglich. Répétez encore ce mot. Möglich. Et encore une fois, comment diriez-vous ce n'est pas possible? Es ist nicht möglich. Bien. Es ist nicht möglich. Et ce n'est pas possible de cette façon ou ainsi? Es ist nicht möglich. Un ciseau. Es ist nicht möglich so. Bien. Es ist nicht möglich so. Là, vous insistez sur so. Et si vous voulez, à partir de möglich, vous pouvez obtenir le mot pour dire impossible. Impossible se dit unmöglich en allemand. Unpossible. Un, c'est l'équivalent du un, de impossible. Et möglich, possible, donc unmöglich, impossible. À vous. Unmöglich. Unmöglich. À vous maintenant. Unmöglich. Unmöglich. Bien. Alors comment direz-vous c'est impossible? Es ist unmöglich. Bien. Es ist unmöglich. Et ça peut même être absolument impossible. Absolument, c'est ganz. Ganz. Ganz, ça s'écrit G-A-N-Z. Ganz. Donc, c'est absolument impossible, se dira. Es ist ganz möglich. Vous venez de dire, c'est absolument possible. J'avais demandé impossible. Es ist ganz unmöglich. C'est ça. Es ist ganz unmöglich.